La réalité de la vie après la mort, donc c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement en ce mois de mars de l'année 2023. En fait, j'ai décidé d'aborder cette thématique suite à un échange que j'ai eu avec une auditrice qui s'appelle Laure, avec laquelle j'ai échangé des messages en bas d'une vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. En fait, c'était par rapport à l'enregistrement de Marc de la Salle que j'avais interviewé. En fait, c'est une étude thématique qui s'intitule « Reconnaître et distinguer la vibration de la réflexion et de la pulsion » que j'ai mis en ligne. Donc, par rapport à cette capsule, vous allez pouvoir retrouver en bas là, la nature de l'échange. Et cette discussion m'a amené à aborder un positionnement personnel qui a émergé par rapport à la question naturellement de la vie après la mort. Et elle avait un questionnement là, par rapport à la fusion. Puis bon, est-ce que la personne, de ce que je comprenais de son questionnement, elle doit nécessairement fusionner avant la mort du corps physique pour se sortir de l'astral. Puis bon, elle avait un questionnement, mais dans le fond, j'y ai écrit, puis l'échange m'a amené à un positionnement que je trouve quand même intéressant là, par rapport à la question de la vie après la mort. En fait, vous jugerez par vous-même si vous trouvez ça intéressant ou pas. Mais le point où est-ce que j'en suis en cette année 2023, parce que quand même depuis plusieurs années, je m'intéresse à la question de la vie après la mort. Comme beaucoup d'êtres humains, j'ai été confronté au fil du temps à la perte de gens que j'ai connus. Hein. Il y a plusieurs séminaristes d'ailleurs qui ont connu Bernard de Montréal qui sont décédés. Et puis récemment, il y avait eu le décès de Sergio. Donc, et c'est sûr que l'une des questions qui m'habite, c'est de voir est-ce que des gens qui ont vécu un processus de conscientisation de leur vivant. Je pense entre autres à Marc de la Salle, Daniel Ménard, Donald Moses qui sont décédés aujourd'hui. Ben, eux autres, une fois qu'ils n'existent plus sur le plan physique, qu'est-ce qui advient de leur conscience? Donc, c'est un questionnement que j'ai depuis plusieurs années. Et puis, ce qui a émergé en moi par rapport à la question de la vie après la mort, ce que j'y ai écrit d'ailleurs, c'est que j'en viens à la conclusion personnelle qui n'est pas possible pour moi de savoir à 100% quelle est la réalité de ce qui nous attend après le vécu à travers un corps physique, un corps biologique, quand on ne l'expérimente pas maintenant. Puis, je n'ai pas de garantie et puis on pourrait passer beaucoup de temps à réfléchir et spéculer sur le sujet au lieu de jouir de la vie. Donc, ce que j'ai trouvé plus intelligent de faire, c'est de m'organiser, d'être lucide et heureux dans ma vie, de sorte que peu importe ce qui advient après la mort de mon corps physique, pour ma conscience, j'aurais pu jouir de ma vie avec conscience ici, maintenant, plutôt que d'attendre de le faire peut-être dans une après-vie. Donc, autrement dit, le message que je vous présente, qui est en lien direct avec la philosophie du jovialisme présentée par André Moreau, c'est quand, sinon maintenant, ou sinon ici, et j'applique ça au bonheur. Donc, autrement dit, ce qui est fondamental dans ma vie, c'est d'être bien. Si, dans le fond, on veut être très sceptique, peut-être des gens qui me disent « bon là, le double, le plan astral, tout ça, ça n'existe pas, c'est de la fabulation », bon, mais à la limite, là, si on prend la perspective très matérialiste, qu'est de la vie ou non après la mort, comme on peut le souhaiter en tant qu'ego, ce qui importe fondamentalement, c'est d'être heureux ici maintenant. Parce que si on attend dans l'après-vie, un peu comme les chrétiens qui, eux autres, vont dire « ben là, si je mène une bonne vie, je vais être au ciel, je vais aller au paradis », ils remettent plus tard le soin d'être heureux, ben à ce moment-là, s'ils ne se retrouvent pas au paradis, ou s'ils se réincarnent, ou s'ils ne se réincarnent pas, ou s'ils n'ont pas des vies parallèles, ben à ce moment-là, il peut vivre la déception. Donc, j'en suis à un point que la lucidité m'amène aujourd'hui à être, bon, je savoure ce que je peux savourer maintenant. Les actions concrètes que je peux faire dans mon quotidien, je vais les engager pour mon mieux-être ou le mieux-être de ma famille, étant donné que je suis père d'une fille. Puis, Dans le fond, ce qui arrivera après, parce que ça fait des années, j'ai fait plein d'entrevues avec plusieurs invités, j'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego qui réfléchit ou analyse dans la dimension intellectuelle de ma personne, ben à ce moment-là, j'ai pas une capacité de compréhension par rapport à la vie après la mort, mais en même temps, simultanément, au niveau intuitif, j'ai la certitude sur le plan vibratoire énergétique que tout, la conscience est un champ de réalité qui continue à exister. Ça, j'en ai une certitude. D'ailleurs, on a des travaux, là, que ce soit le champ morphogénique dont parle Rupert Sheldrake, ou sinon, si on parle, Carl Gustav Jung parlait d'existence de l'inconscient collectif, ensuite, il y a des doctrines orientales là, qui vont parler des annales akashiques. On le prend autrement, ben, au niveau de la physique quantique, le champ des probabilités, avant que quelque chose se manifeste là, sur le plan phénoménal, donc sur le plan nouménal, dans ma compréhension de la réalité, je ne suis pas juste un être sur le plan physique, il y a également une dimension psychique qui m'habite. Sauf la question de savoir par rapport à la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, c'est parce que moi, la façon que je vois ça, c'est qu'il faut s'enlever du stress. Là, parce que là, la personne, là, quand elle m'écrit, ben, elle dit bon, est-ce qu'il faut obligatoirement fusionner avec son esprit pour sortir des rouages de l'incarnation, qui pour moi est une incarnation sur Terre? C'est parce que la façon que je vois ça, c'est comme. Pour être libre, ben, il faut fusionner avec l'esprit, puis là, à ce moment-là, on peut sortir de l'astral. Et c'est parce que la question de la fusion, comme l'avait d'ailleurs abordé Bernard de Montréal, c'est pas du ressort de l'ego. C'est ça la grande chose, c'est que l'ego, peut, de ce que je comprends aujourd'hui, peut pas rien faire pour connaître un changement au second niveau en relation qu'une réalité énergétique. C'est que soit qu'il est pénétré par la réalité énergétique, de l'esprit qui lui donne accès à une forme de conscience créative, une capacité de parler entre autres vibratoirement, soit qu'il ne le vit pas. Donc, on n'a pas de stress à vivre, là, tu sais, j'ai pas à faire des efforts ou, tu sais, parcours du combattant ou... dans l'optique d'avoir la survie de ma conscience dans la préincarnation. En fait, ultimement, ce qui serait intelligent de faire, c'est pas de soucier de la survie de la conscience après l'incarnation, mais c'est de se soucier davantage ici et maintenant, à savoir si je suis bien pour vivre maintenant. Parce que si quelqu'un cherche à vivre après la mort, comme l'avait déjà dit André Moreau, puis la personne ne se pose pas la question s'il y a une vie avant la mort, dans le sens, est-ce que la personne est heureuse avant la mort ou est en mode survie, elle vit pas parce qu'elle est malheureuse. Bon, mais si la personne est malheureuse avant sa mort, puis elle passe son temps à se préoccuper c'est de la vie après la mort, puis elle fait du stress, puis de l'angoisse, puis de l'anxiété en lien avec ça, à savoir est-ce que je vais vivre ou non la fusion de mon vivant, puis elle pense à ça obsessivement, bien là, à ce moment-là, la personne, elle s'inflige une grande souffrance au niveau psychologique en relation avec la réflexion. Alors que si la personne est présente ici et maintenant, en partant du principe que, en réalité, dans le ici et maintenant, on peut avoir accès au champ unifié, Rupert Sheldrake parlait du champ morphogénique, on peut parler du champ de la conscience, le plan éthérique, tout est là aussi maintenant, donc on n'a pas à attendre par rapport à un au-delà. Donc si on change de perspective, puis on est dans l'immanence, plutôt dans une perspective de transcendance, parce que dans la transcendance, souvent le piège qui est associé à ça pour nous amener à faire une fuite en avant, c'est de dire, OK, on est un être humain, on est dans un corps biologique, mais éventuellement, on peut transcender notre condition pour avoir accès à une autre réalité. Alors que dans l'immanence, tout est là maintenant et la réalité du plan éthérique peut être accessible ici et maintenant. Donc, il suffit que la conscience se branche au champ d'énergie puis elle peut avoir accès à certaines données intuitives. Un peu comme quand on va se brancher sur Internet. Dans le sens que quelqu'un qui est branché sur le réseau Internet peut avoir accès à une information dans le fond, est là, une donnée. Et des personnes qui se branchent sur le même réseau, qui ont accès à l'info nuagique, au cloud, ils peuvent, en captant la même information, à ce moment-là, agir par concertation ou faire ce que certains vont appeler de la télépathie. deux personnes qui sont branchées à la même information, que les deux, par exemple, s'appellent simultanément, puis il y en a un qui essaie de rejoindre l'autre, puis l'autre, il ne peut pas le rejoindre parce que ça marque que la ligne est occupée. Ben, ça signale que la ligne est occupée, alors qu'en réalité, c'est parce que l'autre personne cherche à le rejoindre en même temps. Ben, ce genre de choses-là peut arriver. Donc, pour moi, il y a des coïncidences significatives qui sont au-delà de l'ordre des probabilités, puis ça s'appuie sur un vécu par rapport à des gens. À un moment donné, je pense à quelqu'un, la personne m'appelle, ainsi de suite. Donc, il y a une réalité unificatrice qui peut être accessible à travers l'ouverture d'esprit et l'intuition. Être capable d'entrer d'une manière volontairement consciente dans un état de transe qui nous donne accès à une compréhension vibratoire qui est par-delà l'intellect. Donc, être dans l'ouverture, la conscience sensible, intuitive, donc être mis en relation avec ce qu'on appelle la conscience extraneuronale. Et lorsque la personne est capable de se brancher au tout, la personne ne cherche pas, comment dire, à réfléchir dans l'après-vie. Parce que quelqu'un qui est vraiment occupé à célébrer puis à vivre pleinement sa vie ici maintenant, il ne se préoccupera pas de l'après-vie, un peu comme un enfant qui est heureux puis il joue avec des jouets. L'enfant qui est captivé avec son rocher, il ne se pose pas la question, y a-t-il de la vie après la mort? Il savoure son moment présent, il est tout là dans ce qu'il fait, un peu comme un artiste peintre qui va expérimenter ce qu'on appelle le flow, F-L-O-W. Donc, lorsque quelqu'un fait vraiment quelque chose qui le passionne, comme par exemple une peinture, il va perdre la notion du temps et de l'espace parce que l'activité va l'amener à connaître un état de transe. Donc, quelqu'un qui fait vraiment une peinture, puis c'est sa passion, puis il aime ça, il ne va pas le temps passer. Et des fois, on entend parler des artistes, que ce soit un musicien qui va composer une chanson ou un artiste peintre qui fait une peinture, puis ils vont nous dire qu'ils ne voient pas le temps passer. Puis les gens vont dire, ben non, ça se peut pas, le temps passe pareil. Oui, le temps passe pareil, mais il n'est pas dans une conscience réflexive où sa conscience va temporaliser le temps. Parce qu'il va être pleinement là, il va être en état d'unité avec ce qui est, donc en une forme d'état de fusion avec le tout. D'union avec la totalité qui l'amène à sortir momentanément d'une conscience réflexive. Donc, par rapport à l'écoulement du temps au niveau psychologique. Donc, il vit un état de conscience qui dépasse ça. Et c'est souvent atteint dans un état de transe. Si je parle, puis j'improvise, puis je ferme les yeux alors que je suis au micro, puis je laisse émerger ce qui parle en moi, je ne vois pas le temps passer et je peux vivre cette expérience-là avec des gens avec qui que je communique aussi. Et des fois, c'est impressionnant parce que je peux parler longtemps avec des personnes puis on ne voit pas le temps passer. On perd la notion du temps et de l'espace. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais fait un enregistrement avec Berthold et ça dure plus que 6 heures de temps. Et quand j'ai fait l'enregistrement avec lui, je ne voyais pas le temps passer. Pourquoi? Ben, parce que j'expérimentais à mon niveau l'expérience de flow à travers la communication. Il y en a d'autres, c'est à travers la peinture. Il y en a d'autres, c'est quelqu'un qui fait de la musique. Donc, il y a différentes choses en fonction de chacun, puis les sensibilités, puis les capacités de chacun là, naturellement. Mais habituellement, l'état de flow, c'est quand on fait quelque chose par rapport auquel on est tout là. Et habituellement, c'est quelque chose qu'on aime vraiment. Pourquoi que je parle de ça? Ben, c'est quand on savoure vraiment la vie, ben à ce moment-là, la question de la préincarnation ou c'est parce que derrière la question de la vie après la mort ou de la préincarnation, c'est comme est-ce que je vais réussir à passer le test? Un peu comme des fois je discute avec des gens, puis c'est un petit peu comme les gens se sentent à l'école. Tu sais, quand on étudie, bon, il faut avoir une note de passage, sinon on ne peut pas passer au second niveau. Donc, quelqu'un ne peut pas graduer, par exemple, de la première à la deuxième année. Et j'ai l'impression que les gens se sentent un peu comme ça dans leur rapport à la conscience. Que là, hey, la personne a vécu une fusion partielle, mais ce n'est pas total. Donc, elle ne peut pas, par la suite, être libre de la réincarnation. C'est-à-dire, à ce stade-ci, je vous dirais que dans le passé, je croyais à la réincarnation de l'ego. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Par contre, je reconnais que l'ego peut être affilié psychiquement par rapport à l'esprit sur le plan vibratoire auquel il peut avoir accès ici et maintenant. L'ego est branché à la totalité du tout. Et pour moi, la totalité du tout, c'est un système. D'où la pertinence, si on réalise qu'on est connecté au tout, là. un peu comme une goutte d'eau qui est au cœur de l'océan, ben, tirer profit de cette compréhension. Et c'est souvent la raison pour laquelle je vois, à la suite du philosophe jovialiste André Moreau, d'ailleurs, j'ai mis en ligne un enregistrement, là, ben, j'en ai mis plusieurs là, sur ma chaîne YouTube de lui, s'il y a des gens qui ont intérêt à le découvrir, dont l'un en particulier, où ce qui fait des bénédictions, d'ailleurs, c'est dans le titre. C'est sûr que dans ma compréhension du mon lien au tout, ben, à la totalité de ce qui est, et que tout est interrelié, bon, ben, la chose la plus intelligente que je vois à faire dans ma vie ici maintenant, ben, c'est d'agir sur la réalité en prenant pour principe que la réalité psychique d'un être à l'autre, il y a un continuum énergétique, ce qui rend possible certaines expériences, dont celle, par exemple, de ce qu'on va appeler la télépathie, et que quelqu'un peut influencer psychiquement une autre personne et vice-versa. C'est d'ailleurs la raison, entre autres, pourquoi il y a des gens qui vont faire des traitements énergétiques à distance ou, comme l'avait démontré Rupert Sheldrake, qu'un individu avec son animal de compagnie, mais l'animal, dans le fond, si l'individu pense à retourner chez lui simultanément, ben, l'animal peut se diriger vers la porte de la maison pour l'accueillir. Pourquoi? Ben, il y a une interrelation entre les deux, un peu comme une intrication quantique va connaître deux particules subatomiques qui demeurent interreliées entre elles. Pourquoi? À cause du champ d'énergie. Donc, j'en reviens souvent à cette notion-là dans mes enregistrements, mais elle est tellement fondamentale. Donc, récemment, ben, j'invoquais de bénir pour l'abondance de l'infini. Et chose surprenante, j'ai eu l'occasion, il y a à peine quelques heures, d'avoir une offre incroyable là, de la compagnie avec laquelle je fais affaire là, pour l'accès à Internet, également la téléphonie, une offre que je ne m'attendais pas. J'étais très content. Puis il y a des petites opportunités qui se présentent dans ma vie. Mais je vous dirais que quelqu'un qui serait sceptique va dire ben, c'est parce que tu t'auto-suggestionnes, puis ton auto-suggestion fait que tu polarises ta conscience pour être disponible à percevoir les opportunités, puis les interpréter. Oui, mais en même temps, le fait que dans le passé, j'ai vécu tellement d'expériences avec des gens où je sentais leur présence à distance ou vice-versa. Puis qu'à un moment donné, ça dépasse la loi des probabilités. Tu sais, quelqu'un, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas parlé, puis elle décide au même moment que je pense à elle de me téléphoner. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Ben, c'est arrivé il y a quelques jours. Ouais, je repense à ça, puis je trouve ça comme à peine croyable. Tu sais, c'est bizarre. Il y a des gens, bon, la personne, on est habitué de l'appeler à toutes les semaines ou les deux semaines, puis elle nous téléphone. C'est comme pas surprenant, tu sais, c'est comme même prévisible. Mais là, si ça fait plusieurs mois que je n'ai pas parlé à une personne, la personne me contacte. Puis au moment même que je pensais à elle, dans la même période, elle m'a laissé un message, en fait, sur mon répondeur. Et puis, j'avais pensé, c'était le matin, puis c'était dans les mêmes heures. Si j'avais pensé à elle en après-midi, ça n'aurait pas été pareil, parce que là, elle m'aurait laissé le message le matin, mais c'était au même moment. Il y a comme des connexions qui se font, puis c'est de tirer profit de ça, puis qu'on peut influencer les gens à distance ou vice-versa. Et en lien avec ça, bien, je vais compléter l'enregistrement, ça fait un bon bout de temps que je parle, avec une petite session de bénédiction. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez vous joindre à moi, parce que c'est un geste qui peut nous avantager. Donc, je bénis ma santé. Je bénis ma capacité d'être disponible aux opportunités qui peuvent se présenter à moi. Je bénis par la suite ma capacité de bénéficier de l'intelligence cosmique. Je bénis ensuite ma capacité d'avoir une bonne stabilité émotionnelle, d'avoir une bonne compréhension intellectuelle. Donc, je l'investis de mon énergie, mon intellect, ma structure émotionnelle, ma structure physique. Je bénis la santé de mon corps physique. Je bénis sa souplesse. Je bénis sa force musculaire. Je bénis le fonctionnement adéquat de mes intestins, de mes reins, de mon corps, mon cœur, pardon, et de l'ensemble des organes qu'il compose. Je visualise ici maintenant la lumière de la vie qui est superposée à mon corps physique sur le plan biologique. Je bénis mes alliés psychiques. Je bénis les amis de mon essence. Je bénis les gens qui apprécient mes enregistrements et qui osent se bénir. Je bénis ma capacité à faire preuve d'autonomie décisionnelle. Je bénis le lieu où je vis pour qu'il soit chargé d'énergie. Je bénis mon sommeil réparateur, surtout dans une période où j'ai une jeune fille qui ne fait pas toutes ses nuits. Tiens, je pourrais bénir sa capacité de faire ses nuits et que le sommeil soit récupérateur pour elle. Je bénis naturellement son sain développement sur le plan physique en ayant conscience que si je bénis quelque chose, eh bien, si j'ai un retour par rapport à ça, il faut que ce soit un retour qui soit agréable pour moi, dans le sens que si on bénit par rapport à, par exemple, un enfant, son sain développement physique, bon, bien, avoir soi-même un sain développement physique, c'est intelligent, ou être en bonne santé sur le plan physique, émotionnel, intellectuel, ça l'est aussi. Donc, bénir des choses qui sont souhaitables et de réaliser que les autres êtres qui nous entourent, parce qu'on n'est pas séparés des autres sur le plan de l'absolu, mais sur le plan relatif, on en a l'impression, eh bien, à quelque part, derrière ça, de réaliser cela nous amène à quelque part réaliser que les autres sont une partie de nous-mêmes. Et on continue à bénir la capacité d'avoir accès à l'abondance de l'infini, financière, des opportunités, comme il y en a une récemment. J'ai été vraiment surpris là, de ma compagnie de téléphonie, d'Internet. En fait, ce qui est arrivé il y a quelques jours, parce que bon, je fais affaire, je suis au Québec, là, il y a une compagnie qui s'appelle Vidéotron, et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent, on peut avoir accès à des rabais. Et puis après une certaine période de temps, bien, ce qui arrive, c'est qu'on perd les rabais. Puis là, récemment, je les avais contactés par téléphone parce que ça faisait à peu près un an. Et au service de la rétention de la clientèle, souvent ils vont offrir des rabais et les rabais étaient échelus. Donc j'avais appelé pour demander de renouveler les rabais. Et par rapport à l'agent de Vidéotron, j'avais été extrêmement poli. Et à un point tel que je parlais avec lui, puis j'ai l'impression qu'il était mal à l'aise par rapport à ma politesse, dans le sens que j'étais très respectueux avec lui, puis il m'a donné j'avais demandé des rabais, puis j'ai eu un rabais là, de 15$ par mois, là, c'est quand même substantiel, et sur l'Internet et le téléphone, là, les deux combinés, donc ça représentait un renouvellement de rabais là, par rapport à l'année précédente, parce que les autres donnent des rabais, puis après ça, si on ne les redemande pas, bien on les perd, et puis par la suite, je n'avais pas demandé ça de me créditer la facture du mois présent, puis il me l'a offert. Donc, j'ai été surpris par sa générosité et moi, j'ai l'impression que quand j'y ai parlé, j'étais dans un état où j'étais très poli. Peut-être qu'il pensait que j'étais un superviseur aussi. Je lui parlais avec une voix posée et j'avais un certain ton de voix. Puis, en même temps, mais j'étais dans un état d'esprit, ce que je bénissais, que j'allais avoir quelque chose d'avantageux pour moi. J'avais ça en tête. Et je ne sais pas si j'ai pu l'imprégner à distance ou c'est un concours de circonstances. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben là, tu interprètes, oui, mais il m'a donné un crédit pour le mois courant alors que je n'y ai pas demandé en plus des rabais. Bon, les rabais qu'il me les donne parce que j'ai demandé, ça, je m'attendais à ça, qu'il renouvelle les rabais. Ben, ça fait des années que je téléphone chez Vidéotron au moment où les rabais sont échus parce que eux autres, pour retenir la clientèle, ce qu'ils vont faire souvent, ils vont dire, bon, on va vous donner des rabais là, à chaque mois. Puis à un moment donné, après 6 mois ou un an, les rabais sont échus. Puis si la personne ne rabelle pas, bien, elle les a pu, puis elle continue à payer comme si rien n'était. Et peut-être que je suis une des rares personnes qui appelle tout le temps au bout de l'année, etc. En tout cas, j'ai pu avoir des renouvellements de rabais au fil des ans en adoptant cette stratégie-là. Et la stratégie, bien, c'est sûr, c'est des gens qui s'y intéressent. C'est tout simplement dire que je suis un bon client. Puis là, on met l'emphase sur la fidélité. Plus qu'une personne est abonnée longtemps à un service de téléphonie ou d'Internet, plus que la compagnie, en contrepartie, est susceptible de donner des rabais en proportion, surtout si la personne paye à chaque mois avec assiduité ses comptes. Donc, plus que la personne, c'est une bonne cliente, bon, mais moi, c'est ça, ça fait à peu près 10 ans que j'étais avec Vidéotron, donc je suis en bonne position pour négocier des rabais parce que si j'ai toujours payé régulièrement avec eux, bon, ben eux autres, ils veulent pas perdre un bon client. Donc, c'est sûr que de menacer de faire preuve d'infidélité, ça peut être payant par rapport à l'abonnement à une compagnie téléphonique ou de câbleau distribution. Je dis pas de faire ça en amour. C'est pas pareil. Mais menacer l'infidélité d'une compagnie de câbleau distribution d'Internet, ça peut donner certains résultats. Et suite à ces négociations-là que j'ai faites avec assiduité au fil des ans, bien aujourd'hui, tantôt, non seulement j'ai eu des rabais il y a quelques jours de 15 $ par mois, et là, on m'a recontacté pour m'offrir d'autres rabais. Là, j'étais vraiment surpris, là. Écoutez, je m'attendais pas autant. Mais au niveau de l'énergie, j'ai ancré en moi une disposition à accueillir l'abondance de l'infini. Et qu'il y ait des concours de circonstances dans ma vie qui soient avantageux, puis je visualise en lien avec ça régulièrement. Bon, il y a des gens qui vont peut-être m'écouter et dire « Ah, c'est un coup de chance », puis là, tu surinterprètes. Oui, mais il y a eu d'autres événements dans ma vie qui se sont produits où ce que je visualise des choses ou des gens, comme je le disais tantôt, une personne à me contacte le matin ou spécifiquement je pense à elle, puis je pense rarement à elle, là, honnêtement, là, depuis plusieurs mois. Fait qu'il y a des concours de circonstances qui m'amènent à penser que je suis interconnecté. C'est pour ça que, entre autres, je fais des enregistrements, puis je partage. Puis des fois, je mets des enregistrements en ligne et c'est comme si je ressens à distance les gens qui écoutent les enregistrements. Il y a comme une réverbération énergétique derrière ça. Puis c'est sûr, dans un esprit de générosité, je vais viser à travers mes enregistrements à partager qu'est-ce que je trouve intelligent et utile, là, dans le sens que qu'est-ce qui peut, comme compréhension de réalité, servir à apporter quelque chose de créatif, quelque chose qui va permettre d'améliorer le sort de l'être humain. Donc, c'est souvent la raison, entre autres, qui m'amène à étudier c'est quoi la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychique aussi, puis agir en ce sens dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est plus intelligent de passer d'énergie à s'occuper d'être bien dans sa peau ici maintenant que de se préoccuper de la question de la vie après la mort, bien que c'est une question au fil du temps qui m'a habité, à savoir qu'est-ce que je deviens vraiment. Et comme l'avait déjà dit un ami, pour compléter sur le sujet, parce que c'est le sujet d'origine de cette capsule, ben tu ne peux pas le savoir à 100% et être sûr à 100% de qu'est-ce qui va devenir ta conscience dans l'après-vie. Parce que ta conscience en tant qu'ego à travers un corps n'a pas la capacité d'appréhender totalement cette réalité ici maintenant. Par contre, le point que je peux faire, c'est que si on se soucie de l'après-vie, on peut passer à côté de vivre sa vie ici maintenant. Et donc, à ce moment-là, les choses du quotidien, comme le paiement de la compagnie de câbleau distribution ou s'occuper de manger une nourriture adéquate, faire suffisamment d'activités physiques, de se donner des plaisirs de vie, comme à travers l'expression artistique, faire de la peinture, de la musique, du théâtre, etc., ben, on peut passer à côté. Donc, l'idée, ou de parler au micro, moi, mon plaisir de vie, c'est plus ça. Quand j'étais jeune, je m'intéressais à jouer de la guitare, de la musique, mais aujourd'hui, c'est plus la communication verbale, parce que c'est ce qui va me dynamiser. Là, je vous parle, je suis dynamisé de faire ça, dans un esprit de partage, donc c'est sûr que je vais espérer que vous avez apprécié cette capsule audio. Et dans le fond, je suis dans une espèce d'état de générosité aujourd'hui, d'appréciation, de gratitude, de envers la vie, ou si on peut dire ma relation avec l'univers, dans le sens que là, ouais, au niveau câbleau distribution, j'ai eu des rabais dans les derniers jours, puis là, on me rappelle pour me faire une autre offre là, encore plus substantielle là, par rapport à l'Internet et la téléphonie de Vidéotron. Fait que moi, je suis très content. On m'en donne plus que ce que j'en demande. que j'en ai demandé verbalement, mais intérieurement, ben, c'est sûr que je suis dans un esprit de profiter totalement comment on appelle ça, de l'abondance de l'infini, comme dirait André Moreau, et des opportunités qui sont là. Dans un sens, les gens vont dire « t'es opportuniste », ben oui. Ben oui, parce que j'ai un ego, puis si mon ego apporte des opportunités de faire des économies sur le plan financier, ou être heureux, ou d'avoir une bonne santé, c'est sûr que je vais vouloir en tirer profit. Comme j'ai déjà dit dans un autre enregistrement, si j'aurais l'opportunité d'être multimillionnaire, je serais très content de ça. Donc, c'est sûr que j'ai la perspective de vous être riche et en santé et être heureux avec du relationnel agréable que pauvre, malade, sans le sou, naturellement. Donc, c'est sûr que c'est un truisme que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une pensée qui est quand même assez simple, abordable, mais pour moi, c'est fondamental. Et c'est sûr que si j'ai œuvré quelque chose dans mes actions au quotidien, dans la vie de tous les jours, soit dans mon contact avec les gens, bien, ça sera d'être heureux. Pourquoi? Bien, parce qu'une personne qui est heureux participe à quelque part implicitement au bonheur du collectif. Parce que quelqu'un qui est heureux ou qui jouit dans sa vie, il ne pensera pas à faire la guerre ou commettre des massacres. Si on prendrait les gens qui présentement font la guerre en Ukraine, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens, si ces gens-là seraient heureux puis comblés dans leur vie au niveau financier, probablement qu'il y en a qui ne s'engageraient pas là, à faire la guerre là, par rapport à des mercenaires parce qu'il y aurait de l'argent, ils ne mettraient pas leur vie en danger. Puis quelqu'un qui jouit plusieurs fois par jour puis qui a des orgasmes, il ne pensera pas nécessairement à tuer. Par contre, quelqu'un qui est frustré sur le plan sexuel ou en général, c'est possible. Quelqu'un qui est épanoui puis qui est heureux, prenons par exemple quelqu'un qui a eu 2 ou 3 orgasmes pendant sa journée, il ne pensera pas nécessairement à tuer du monde avec des mitraillettes. Et c'est sûr qu'on est loin de la civilisation jovialiste, de l'orgasme étant reconnu comme une forme de thérapie qui amènerait une forme d'harmonisation entre les êtres par rapport au fait que la personne, quand elle est bien dans sa peau, sur tous les plans, là, pas juste au niveau orgasme, mais aussi au niveau intellectuel, au niveau émotionnel ou autre, une personne qui a une vie totalement harmonisée ne sera pas intéressée à tuer quelqu'un d'autre avec une mitraillette ou y envoyer des missiles. Quelqu'un qui est conscient, il va voir là-dedans un comportement primitif associé à une conscience de division. Mais quelqu'un qui est en unité avec le tout, il ne cherchera pas, par exemple, à s'attaquer à une autre partie de lui-même. Il va voir que c'est inintelligent. C'est comme quelqu'un qui prendrait l'une de ses mains pour frapper l'autre main, puis ça va le blesser. C'est pas intelligent. Par contre, c'est sûr que si un individu est menacé par un autre individu qui a une conscience plus primitive, c'est comme intelligent de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Naturellement, par contre, ne cherchera pas à dominer les autres par soif du pouvoir. On peut vouloir avoir un mode de vie qui est agréable, vivre l'abondance infinie, puis si ça passe par une abondance d'argent, pourquoi pas, mais c'est pas dans un... Quelqu'un qui vit d'une conscience harmonisatrice, c'est pas dans un esprit de domination, c'est pas d'être riche dans l'optique de rendre l'autre esclave, mais c'est d'être riche ou de vivre l'abondance de l'infini pour avoir une vie agréable comme moyen et non pas comme finalité dans un esprit de contrôle et de domination. C'est la nuance que je verrais. Et quelqu'un qui a une conscience d'unité avec le tout, il ne cherchera pas à acquérir du chaos par rapport au tout. Il va plutôt chercher à vivre d'une conscience qui prend en considération le tout, qu'il peut appréhender à partir de sa dimension intuitive, là, naturellement. Donc, tout ça pour dire que ça peut être intéressant de bénir, par exemple, lorsqu'on parle avec l'agent du service de rétention d'une compagnie de câbleaux distribution, puis de visualiser le meilleur pour lui, qui est heureux, qui est traversé par notre énergie intrique, et qui, à quelque part, se sent en notre présence comme à la présence d'un saint, pourquoi pas? Peut-être que ça va avoir une incidence sur le rapport qu'il va avoir avec nous. Donc, si on ressent de l'amour pour lui à quelque part dans un esprit fraternel, avec une certaine forme de sincérité, et si lui le ressent, peut-être qu'il va être plus enclin à nous offrir des rabais qu'on n'a pas demandé. Donc, ça, c'est quelque chose par rapport auquel on peut expérimenter. Donc, on peut expérimenter d'autres choses avec d'autres personnes. Mais c'est sûr, c'est de voir que la vibration qu'on peut engendrer, Elle peut traverser les êtres par-delà les dimensions physiques ou les distances. On peut parler avec quelqu'un qui s'occupe de la câble distribution à plusieurs kilomètres de distance de chez soi via téléphone. Et si la personne ressent notre vibration, ça se peut que ça ne laisse pas indifférent par rapport à la qualité de l'énergie qu'on peut véhiculer. Et si la personne est très sensible, bien à ce moment-là, puis elle apprécie notre vibration, elle va peut-être être plus encline à nous offrir une faveur ou quelque chose d'agréable, quoi qu'il en soit, que ma vibration ait pu rejoindre la personne qui j'ai parlé quelques jours, qui m'a donné des rabais ou pas, le fait est que j'ai eu plus de rabais que j'en demandais. Donc, c'est bon pour la satisfaction à la clientèle. Mais c'est sûr qu'on peut mettre toutes les chances de son côté aussi. Donc, de générer la vibration. Parce que si on attend qu'une vibration belle se présente à nous, on peut attendre longtemps. Alors que si on est le principe émetteur de la vibration et que les gens, notre contact ou qui entendent nos propos, trouvent ça intéressant, bien, à ce moment-là, on devient un foyer de rayonnement. Et à ce moment-là, ben c'est sûr que s'il y a des gens que ça leur donne le goût de s'allumer, donc si on s'allume, puis il y a des gens qui s'allument, puis on véhicule, qui se mettent à véhiculer également eux une forme d'amour fraternel dans la manière de parler, de vibrer. Puis là, les gens sentent ça, ben à ce moment-là, ça peut rehausser le niveau par rapport à certaines personnes. Quoique, si on agit, c'est toujours d'abord fondamentalement pour soi, parce que si on agit pour se trouver le collectif, ben à ce moment-là, on peut être pris dans le piège du sauveur ou du messie, là, naturellement. Là. Mais tout ça pour dire que, puis vous ferez l'expérience que vous voulez faire advenant que vous en ayez la vibration, que quelque part, quand que je m'installe dans un certain état d'être, j'ai l'impression qu'à quelque part, il y a quelque chose de moi qui se véhicule dans l'environnement, puis il y a certaines personnes qui peuvent l'intercepter puis s'ajuster à ça. C'est ainsi que je vois les choses. Et là, c'est vrai, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.